La rébellion psychique. Donc, j'ai choisi d'aborder ce sujet parce que ma volonté est celle de me rebeller dans le sens de contester l'autorité des forces. Parce que j'écoutais, entre autres, l'enregistrement récemment d'un conférencier que j'apprécie. Et puis, lui, ce qu'il disait, c'est que l'être humain est un terminal par rapport aux forces. Donc, les forces envoient des pensées. L'être humain, c'est un canal. Et puis, c'est la terminaison. Et puis, il disait aussi que l'être humain est appelé à se réincarner, donc pour évoluer. Et par rapport à ça, il y a un élan à l'intérieur de moi de contestation. Ça m'a mis en vibration d'entendre ce type de propos-là, parce que l'être humain n'a pas à être un terminal, dans le sens que l'être humain a à être le commencement de l'émergence d'un rapport modifié par rapport aux forces de contestation. Donc, si on voit l'être humain comme étant un terminal de quelque chose auquel on dicte des conduites, des comportements, donc si l'être humain reçoit des pensées qui proviennent des forces en s'appuyant sur le principe que vient d'ailleurs et que l'être humain, un peu comme la branche d'un arbre et le terminal par rapport au tronc, par rapport aux racines, eh bien l'être humain n'est pas libre à ce moment-là. Et pour moi, la rébellion psychique passe dans l'optique que l'être humain aille chercher son droit à la liberté. Donc, le droit à la liberté de l'être humain ne lui est pas donné. Il doit être pris. Et pour le prendre, ben qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? C'est qu'il modifie le rapport avec les forces. Donc, il faut qu'il y ait un rapport de force avec les forces. C'est-à-dire que l'être humain doit être capable de générer à travers lui une vibration de la contestation qui va faire que l'entité, par exemple, qui lui achemine des pensées dans une direction, modifie son rapport à lui parce que sa vibration va faire en sorte que lorsqu'elle est perçue par l'entité, qu'elle n'aura d'autre choix que de s'ajuster à lui parce que à ce moment-là, elle va sentir la vibration de la contestation qui est désagréable et à ce moment-là, pour être en état d'équilibre et d'harmonie avec l'être humain, elle va devoir s'ajuster par rapport à ça. Donc, autrement dit, si l'être humain manifeste un feu énergétique, bien, une entité qui a un comportement désajusté par rapport à l'être humain lui acheminant des pensées qui ne lui donnent pas accès à l'information dont il a besoin, va souffrir de sa captation de l'énergie qui provient de l'être humain, qui va faire en sorte que l'entité va devoir s'ajuster à l'être humain. Donc, si l'être humain manifeste avec grande puissance une vibration de contestation, eh bien, ce feu énergétique est perçu par l'entité qui n'aura d'autre choix que de se réajuster à lui en lui acheminant des pensées plus appropriées pour répondre à son besoin. Donc, autrement dit, l'affirmation vibratoire de l'être humain dans son rapport occulte, dans sa contestation, est fondamentale pour sortir du rôle de terminal qui reçoit de l'information qui provient de l'invisible, qui se fait dire qu'il doit se réincarner pour continuer à évoluer, pour arracher dès maintenant son droit à la liberté en modifiant son rapport par rapport à l'entité ou les entités qui lui acheminent des pensées pour sortir de son ignorance, pour accéder au savoir. Donc, c'est sûr que la contestation qu'a fait Bernard de Montréal par rapport à l'invisible lui a permis d'obtenir accès à une très grande quantité de savoir qui a été voilé jusqu'alors à l'humanité. Parce que c'est sûr que si une entité ou des entités sont en position de pouvoir et d'autorité par rapport à l'être humain, pensez pas qu'ils vont donner nécessairement facilement accès à l'information à l'être humain. Parce que après tout, qui par exemple voudrait passer du rôle de boss, de dirigeant, à celui de collègue. Donc, c'est sûr que si une entité a une ascendance puis est sur un trône, pourquoi qu'elle voudrait elle-même se mettre en bas de son trône qui lui donne des avantages? Donc, c'est sûr que si, par exemple, quelqu'un a une position de pouvoir qui lui donne accès à beaucoup d'argent, pourquoi qu'elle partagerait équitablement son argent spontanément comme ça? Donc, c'est un petit peu le même principe. Pourquoi que les forces partageraient spontanément leur énergie, leur savoir à l'être humain? Non, il faut que l'être humain aille chercher son droit à la liberté. Donc, il faut qu'il soit capable de rebeller sa conscience par rapport, que ce soit les entités astrales qui le voient des choses, mais par rapport à son propre esprit également et ultimement. Donc, ce rapport de force interne pour que la personne puisse conquérir son droit à la liberté. Donc, c'est ça que, personnellement, si on me dit « Ah, ben toi, t'es un terminal, puis les forces savent plus que toi en tant qu'égo, puis que, à quelque part, toi, à te soumettre aux dictées qui proviennent des forces, puis en être tout simplement le canal qui reçoit ça passivement, eh bien, je dis non, merci à ce rôle. Parce que plus que je me développe et plus que ma volonté est celle de manifester une affirmation de moi pour ajuster mon environnement intérieur et extérieur aussi à ma vibration. Parce que si je vais tout le temps dans la soumission à mon environnement extérieur, que ce soit par rapport à la société ou interne venant d'informations d'entités astrales ou de forces sur le plan mental, ben, je serai jamais libre. Donc, la liberté de l'être humain procède dans sa capacité à générer une vibration de contestation et de générer, à ce moment-là, le rayonnement d'une énergie qui reconfigure, qui modifie le rapport. Donc, qui interfère dans sa réalité en vue de tirer son épingle du jeu. Donc, autrement dit, une volonté d'être bien dans sa peau puis sortir du déterminisme, que ce soit environnemental, que ce soit psychique, si on parle de réincarnation, d'éléments qui nous échappent. Donc, l'histoire de la programmation puis d'être soumis à une programmation à des fins d'évolution en relation avec une notion de tutelle psychique, c'est une réalité tant aussi longtemps que l'être humain n'a pas la puissance énergétique de s'y opposer. Et lorsque la personne atteint un état de ras-le-bol fondamental, d'être tanné d'être soumis à une programmation, eh bien, c'est là qu'elle peut tenter quelque chose qu'elle n'aurait jamais fait autrefois, c'est-à-dire de connaître une rébellion psychique, non pas pour générer le chaos et l'anarchie, mais plutôt pour générer un ordre nouveau dans le respect de sa sensibilité. Et c'est à travers cette mouvance de rébellion psychique en lui que l'être humain va en venir à égaliser son rapport avec la source, parce que si l'être humain est toujours soumis à sa propre source, bien, il n'y aura pas d'égalité dans son rapport avec elle. Et pour qu'il arrête d'être soumis à la source, bien, il faut qu'il monte en vibration pour l'égaliser. Donc, autrement dit, il faut qu'il y ait plus de discernement, plus d'intelligence, et pour ça, bien, il faut qu'il s'engage dans des actions dans sa vie de tous les jours pour être plus dans l'intelligence, plus dans le discernement et plus dans l'action qui favorise son émancipation psychique. Et ça peut passer par différentes façons dans sa vie. Et c'est ça qui est particulier. C'est que l'harmonisation avec la source vient dans la contestation de cette dernière. Parce que si une soumission aveugle à la source, la personne est dans la croyance, c'est dans l'ignorance, c'est dans la naïveté. Puis à ce moment-là, elle ne peut pas se bâtir à un niveau plus élevé sur le plan énergétique et vibratoire. Donc autrement dit, si on me dit que l'être humain est sous tutelle psychique, puis que ta vie est programmée de faire certaines choses dans ton existence, après ça, t'es voué à être réincarné, puis à être réincarné. Moi, ce que je dis, c'est non merci. Puis quand être libre, sinon maintenant, ou sinon ici? Donc, je n'invente pas ce proverbe-là, parce que c'est ici et maintenant qu'on peut agir. Et donc, l'idée de remettre à plus tard le choix d'être libre, le choix d'être évolué, le choix d'être conscient, va dans le sens d'une forme de démission psychique. Dans le sens que si une personne s'est dit intérieurement que « Ah, ben là, toi, il va falloir que tu te réincarnes pour continuer à évoluer, puis t'as pas le choix. » Pourquoi remettre à plus tard le choix d'être libre? Donc, on réincarne parce qu'il y a une volonté extérieure à soi qui nous dit de nous réincarner. Si notre volonté est plus grande que celle-là, ben à ce moment-là, on se libère de l'influence et la puissance de cette volonté. Mais pour arriver à ce point, il faut avoir une énergie qui est plus élevée que la volonté qui peut vouloir nous pousser à nous réincarner. Donc, la volonté d'être libre en nous doit être suffisamment nourrie et affirmée pour être plus vaste que celle qui cherche à nous soumettre à l'idée de la réincarnation. Et c'est à travers ce point, lorsqu'il est atteint, que la personne peut goûter à la liberté réelle. Et la liberté réelle, c'est quoi? C'est pas de se réincarner dans l'optique de se parfaire, parce que si la personne est complète par elle-même ici et maintenant, parce qu'elle a une puissance de volonté égalisant celle de son esprit, puis dépassant de loin celle des entités astrales qui cherchent à l'assujettir à la réincarnation planétaire, ben à ce moment-là, la personne automatiquement se sort d'une trappe, se sort d'un piège, se sort d'une toile d'araignée involutive, qui la garde engluée dans un système. La personne doit se libérer elle-même du système planétaire en s'improvisant sur le plan transcendantal pour générer elle-même une énergie qui est au-delà du système. Se doter d'un centre de gravité permanent qui fonctionne au-delà de l'énergie astrale, de l'énergie planétaire, de l'énergie sociale, des croyances, des programmations. Et c'est sûr que si on applique la liberté psychique et la volonté d'être libre, la volonté d'être bien dans sa peau, à quelque chose de très pratique, ben, ça revient à être bien maintenant. Vive la paix de l'esprit maintenant, pas dans 2500 ans au bout d'un périple de réincarnation s'échelonnant sur plusieurs siècles. Non. Il faut que la personne ait une volonté ferme d'être libre maintenant, puis c'est ce qui me vient en tête, puis c'est ce qui m'anime présentement dans ma parole. Et c'est pour ça que je parle au micro. Parce qu'il y a peut-être des gens qui vont réaliser qu'à quelque part, il y a des limites à la croyance à la réincarnation, puis qu'à quelque part, l'être humain n'a pas à être éternellement sous la tutelle des plans, que ce soit le plan astral ou le plan mental, parce que si on est sous la tutelle de quelque chose extérieur à soi, c'est parce qu'on n'est pas libre. Et aussi, c'est infantilisant. Donc, quelqu'un qui est sous la tutelle de chez ses parents, ben, c'est ses parents qui lui disent quoi faire. Il vit pas une autonomie psychique réelle. Et c'est la même chose pour l'être humain. Et c'est sûr que ce que ça me dit intérieurement, curieusement, c'est que les forces de la lumière, ce que ça me dit, c'est qu'eux autres, ils veulent que l'être humain se rebelle contre elles parce que c'est comme ça que l'être humain va s'affirmer réellement pour se doter d'une identité réelle. Parce que eux autres, ce qu'ils veulent, c'est qu'à quelque part, l'être humain devienne réel, mais ils peuvent pas rendre l'être humain réel malgré lui. C'est comme la personne, on peut dire à quelqu'un, tu devrais faire une thérapie pour te libérer de la consommation de drogue, puis pour être bien dans sa peau. La personne peut se faire dire ça, mais c'est tant aussi longtemps que l'être humain n'a pas suffisamment souffert de la drogue que la volonté réelle n'émergera pas en lui. Lorsque la personne est vraiment saturée de consommer de la drogue, eh bien à ce moment-là, il va avoir un résultat s'il s'engage dans une thérapie pour s'en sortir, parce que ça va venir de lui, et les forces qu'il veut, c'est que ça vienne de l'être humain. À un moment donné, j'avais discuté avec quelqu'un, la personne a fait, je ne me rappelle plus exactement, là, à un moment donné, la mémoire déforme aussi, mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle m'avait dit qu'elle avait fait peut-être 15 ou 16 thérapies pour arrêter de consommer de la drogue, et comme on les faisait pour faire plaisir aux gens de sa famille, à ce moment-là, ça ne donnait pas des résultats. Mais à un moment donné, elle était vraiment saturée, elle était vraiment tannée de consommer de la drogue, et la volonté d'être libre venait d'elle-même, et c'est là, précisément, que ça fonctionnait. Puis après ça, elle a arrêté de consommer de la drogue. Et le message ici est le suivant. Il faut que l'être humain, ça vienne de lui, la volonté d'être libre de la réincarnation, de la procrastination, de la tendance à remettre à plus tard. Et faut arrêter de remettre à plus tard le besoin d'être soi-même totalement et être totalement réel ici et maintenant. C'est sûr que c'est facile à dire, mais ce n'est pas nécessairement facile à faire. Et pour en venir à connaître cet état, il faut que l'être humain est généralement suffisamment souffert de conditions externes qui lui ont été imposées pour émerger de tout ça en rayonnant créativement quelque chose de nouveau lié à un rapport de force modifié avec son environnement pour être bien dans sa peau, que ce soit son environnement intérieur et extérieur, en vue de connaître une existence qui est intéressante. Donc, tant que l'être humain est soumis à des formes pensées puis il conteste pas, ben à ce moment-là, c'est le culte que le beau jeu sur l'être humain. Et comme la vie d'un être humain sur Terre est quand même rapide, on parle présentement d'une espérance de vie de peut-être 82 ans, ben c'est raison de plus de se mettre en action pour actualiser un projet de nature transcendantale d'émancipation psychique. Donc c'est sûr que moi, la personne qui vous parle, je m'engage dans ce type de projet-là. Et ça passe, bien sûr, en prenant la parole au micro, mais ça s'articule aussi dans ma vie de tous les jours à travers les actions que je commets pour me libérer de la peur. Donc, c'est à différents niveaux, à différentes échelles, mais mon objectif sur plusieurs années, c'est de garder une constance là-dedans. Donc, autrement dit, qu'il y a une continuité. Donc, c'est sûr que j'agis souvent petit à petit, mais c'est dans l'optique qu'il y a une constance. Dans le but qu'il y ait une manifestation croissante de mon identité réelle et à ce moment-là pour m'auto-actualiser. Parce que si on s'intellectualise, on s'auto-actualise pas maintenant, ben on en remet ça à plus tard. Si on en remet ça à plus tard, on vit une forme de démission psychique. Donc, quelqu'un qui démissionne de sa vie, ben à ce moment-là, qu'est-ce qui arrive? Ben, il faut qu'il revienne sur Terre pour faire ce qu'il a oublié de faire, compléter ce qui doit être finalisé. Donc, c'est sûr que la finalité de l'être humain, en ce qui me concerne, c'est d'être bien dans sa peau. Et ça ne doit pas être reporté dans 2500 ans au bout d'incarnation et de réincarnation qui sont imposées à ma conscience. Parce que se faire imposer de s'incarner puis se réincarner, c'est une domination occulte qui est faite contre la volonté humaine. Même chose par rapport à un extraterrestre qui menatait un être humain pour l'amener dans un vaisseau spatial. Si c'est contre son gré, c'est une violation psychique. Donc, il faut que l'être humain, à un moment donné, le réalise. Autrement dit, il faut que l'être humain prenne sa vie en main. Et c'est souvent à travers de très grandes souffrances que les gens y arrivent. Mais je continue mon grand projet de nature transcendantale qui vise l'actualisation de ma conscience. Et ça passe par des petites choses comme dans le passé, j'allais souvent en voyage chez un oncle au lac Saint-Jean parce qu'il m'hébergeait gratuitement pendant les fêtes, pendant les semaines de la construction l'été, qui est une période de fort achalandage dans le domaine hôtelier. Donc, c'est habituellement là, les deux dernières semaines du mois de juillet. Et puis, habituellement, en conséquence, ben qu'est-ce qui arrive? C'est que les responsables d'hôtels vont rehausser le prix, bien entendu, des chambres d'hôtel en conséquence. Et pour compenser ça, ben j'avais tendance à être plus défensif. Donc, j'allais le voir dans l'optique d'être hébergé, mais c'était en relation avec mon ego puis mon esprit de calcul qui était, à ce moment-là, d'économiser de l'argent. Donc, c'était un mode défensif. Puis sa vibration, dans le fond, était plus ou moins ajustée à moi, mais j'économisais de l'argent. Donc, c'est un mouvement de peur derrière ça qui manquait d'ajustement vibratoire. Tandis que là, ma volonté, elle est plutôt d'aller où ce que je veux aller. Pas en fonction de la peur, de dépenser de l'argent. De toute façon, par rapport à ça, j'apprends à recodifier ma vie selon ma vibration puis fréquenter les gens de plus en plus en fonction de ma vibration plutôt qu'en fonction de la famille. Parce que vous avez la famille biologique de laquelle vous êtes issu en fonction d'une programmation planétaire. Et vous avez aussi la famille psychique que vous pouvez vous donner en étant en harmonie avec les gens qui sont sur la même longueur d'onde que vous au niveau de l'esprit. Donc, vous pouvez avoir le contexte biologique qui vous amène à être en relation avec certaines personnes et vous pouvez vous créer des contacts avec des gens qui sont les amis réels de votre vibration, de votre essence, de votre être, ce qui est pas pareil. Donc, autrement dit, vous pouvez voyager en fonction de la famille et vous pouvez voyager en fonction des amis qui sont sur la même longueur d'onde que vous, de véritables alliés psychiques. Donc, c'est sûr que cet été, au lieu d'aller voir cet oncle-là, j'ai plutôt comme projet d'aller voir un ami avec lequel j'ai beaucoup d'affinités au niveau vibratoire. Et c'est sûr que changer sa vie, en fait, ça se fait pas nécessairement du jour au lendemain. Ça nécessite un travail d'intégration. Là, j'ai l'impression de me contredire par rapport à ce que je disais, c'est-à-dire d'avoir une volonté ferme d'être libre de la réincarnation. En fait, je vais réactualiser mon propos. Le travail d'intégration s'échelonne sur une période de temps dans une existence ou sur plusieurs existences est en relation avec la capacité de l'ego d'absorber l'énergie. Et c'est sûr que plus que l'ego peut absorber l'énergie de son esprit et plus qu'il peut affirmer une volonté forte de s'individualiser, et moins il a besoin de délai, moins il a besoin d'être soumis à des états de programmation pour en revenir à ce point. Donc, autrement dit, c'est la force d'affirmation de la volonté de l'ego d'être libre qui lui permet de s'affranchir. Quelqu'un qui s'affirme à 70% de son potentiel, ça veut dire qu'il est libre de la domination des entités qui ont un taux vibratoire à ce niveau d'énergie. Donc, c'est quand même intéressant. Mieux vaut être affirmé à 70% qu'à 0% ou 30%. Mais il faut en venir à être là à 100%. Et c'est sûr que c'est pas évident parce que ça implique que l'ego se mettent en action en fonction de mouvements vibratoires instantanés qui sont en relation avec le rayonnement de son individualité sans qu'il y ait de délai. Donc, dans le cas de mon oncle, que il est gentil quand même, j'ai pas à parler contre lui, il acceptait généreusement de m'héberger. Sauf que j'ai à suivre mon individualité, donc si j'ai la vibration de retourner, ça peut être correct, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Mais si je crée un délai, dans le sens que je fais quelque chose en fonction d'une vibration qui est codée sur la peur au lieu de celle de ma vibration, ben, à ce moment-là, ça crée une interférence entre ce que j'ai actualisé et ce que j'actualise. Donc, autrement dit, si par exemple, par rapport à une personne que je connais qui fait un repas puis j'aime pas une recette qu'elle me sert, si je suis pas capable de lui dire en pleine face puis j'attends 6 mois, c'est parce que quelque part, il y a un délai qui est créé. Donc, un manque d'affirmation de mon individualité. Bien sûr, ça fait une recette que j'aime pas. Je suis pas obligé d'être baveux avec elle. Je suis pas obligé d'être arrogant. Non, je peux dire ça d'une manière courtoise dans le respect de mon individualité puis son individualité. Mais plus qu'on est sur la vibration puis plus que ça se fait maintenant. Donc, c'est sûr que la visée de ma parole vise une libération psychique instantanée de mon être au phénomène de la réincarnation. Vais-je y parvenir? Dossier à suivre dans un prochain épisode. Non, je fais des blagues. Donc, de toute façon, c'est individuel, hein? Moi, l'important, c'est que entre le moment de ma naissance puis mon moment présent, c'est que je sois capable d'être bien dans ma peau puis que il y a une intégration, une continuité dans ce mouvement d'intégration vibratoire et d'harmonisation à mon être réel dans ma vie, pour qu'il y ait un rayonnement. Puis c'est sûr que c'est paradoxal et curieux. C'est plus qu'on conteste l'esprit, puis plus qu'on devient l'esprit, dans le sens qu'on n'est plus soumis à lui, ce qui fait qu'on devient suffisamment élevé pour absorber sa vibration sans que ça nous choque. Tandis que si on est soumis à l'esprit et naïf et fasciné par lui, ben à ce moment-là, l'intégration d'énergie ne se fait pas parce que l'énergie de l'esprit reste au-dessus. Tandis que si ce qui était en bas autrefois à l'ego englobe le dessus en devenant suffisamment vaste pour l'absorber, ben à ce moment-là, il n'y a plus deux éléments distincts, mais il y en a un seul qui comporte les deux éléments. Donc, autrement dit, au lieu que mon ego soit une coquille vide, bien, à ce moment-là, mon ego s'harmonise à la lumière de l'esprit pour en venir éventuellement être capable de rayonner cette énergie qui va me donner accès à une vitalité constante, à une lucidité et également à l'harmonisation de ma conscience à mon être réel qui me donne accès à l'immortalité psychique. Rien de moins. Bien sûr, par rapport aux gens, quand vous écoutez mes enregistrements, je vous dis pas de croire, là, bien entendu, vous vivez ce que vous avez à vivre. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, je m'en fous. Moi, l'important, c'est de manifester à travers ma parole et d'exprimer avec force ma détermination à être libre. Maintenant, des croyances, des doutes, des préjugés et aussi du phénomène de la réincarnation. Parce que pour moi, que l'être humain se fasse imposer et implanter dans sa psyché l'idée qu'il doit se réincarner, c'est quelque chose qui ne respecte pas son individualité comme toute forme d'imposition, parce qu'à ce moment-là, c'est une domination. Et c'est pour ça que l'être humain doit se réapproprier sa liberté, et comme sa liberté ne lui est pas donnée, eh bien, il doit s'engager dans la parole et l'action pour la prendre. Le savoir n'est pas donné à l'être humain. Tu sais, il y a des gens qui vont écouter une personne qui canalise du matériel supramental puis vibratoire, vont dire « Ah, moi j'aimerais ça être comme lui, être capable de parler. » Puis la personne, elle fait rien pour aller chercher le matériel. C'est comme elle attend passivement qu'elle reçoive la capacité de canaliser. Ça fonctionne pas comme ça. Il faut que l'être humain monte en vibration pour aller chercher ce qu'il a besoin en termes de savoir, d'énergie, de vitalité. Il faut que l'être humain s'engage. Et sans engagement de l'être humain face à son émancipation psychique et la manifestation de ses réalités, il ne sera jamais libre. Donc, autrement dit, tu ne peux pas écouter quelqu'un qui parle de conscience pour devenir conscient. Il faut que vous vous engagez pour monter en vibration, pour vous qualifier énergétiquement auprès de votre propre esprit pour avoir accès à sa science, la science du réel. Mais la science ne vous est pas donnée. Il faut aller la chercher. Et puis, pour la chercher, faut monter en vibration, puis pour monter en vibration, il faut avoir l'esprit de la contestation, de toute forme de domination, de retenue de la connaissance, de retenue du savoir, pour pouvoir y avoir accès. Et c'est lorsque l'être humain est capable de sublimer la souffrance qu'il peut avoir connue dans son existence en étant soumis à des programmes, qu'à ce moment-là, cette énergie qui est sublimée, issue d'une colère, d'une frustration, peut être mobilisée pour le développement d'une volonté de nature transcendantale, c'est-à-dire l'expression d'une volonté réelle au sein de l'individu qui est capable de manifester une vibration et un rayon d'action qui lui permet d'accéder d'une manière autonome et individualisée au savoir. Donc, de modifier réellement le rapport de force au niveau de l'esprit, mais c'est à travers la sublimation d'une colère qui est réarticulée, réappropriée psychiquement par l'individu sous la forme d'une volonté qui est au-delà de celle de l'ego seul, mais qui est le résultat d'une volonté qui bénéficie du support, d'une force d'énergie qui permet à l'individu de se qualifier aux yeux du cosmique comme étant un être prêt à recevoir l'énergie. Donc, de ce point-là, c'est que l'individu n'est plus un terminal, mais plutôt l'initiateur d'un rapport renouvelé avec l'esprit, avec les entités astrales, pour reconfigurer son existence en fonction de paramètres qui vont lui permettre de connaître le respect intégral de son individualité. Donc, il y a un rapport de force qui est modifié, comme par exemple le judoka peut le faire lorsqu'il est capable d'utiliser la charge d'énergie de son adversaire pour la retourner contre lui. Donc, si quelqu'un est capable d'utiliser l'énergie qui autrefois pouvait le posséder, le fasciner, l'obséder, et utiliser la puissance de sa volonté en relation avec cette charge d'énergie pour modifier le rapport de l'occulte et en tirer profit pour monter en puissance vibratoire en vue de modifier le rapport, ben, à ce moment-là, c'est là que la liberté réelle peut prendre place. Donc, voici ce qui termine l'enregistrement. Je vous dis à bientôt. Au revoir.